réveil du soleil. Moi je me rapproche de la terre, mon flot vient de l'espace. Il a traversé tout l'univers, stopper net des conquêtes, prendre soin de la planète, réveiller les consciences avant que le paradis s'arrête. À chaque réveil du soleil, moi je me rapproche de la terre, mon flot vient de l'espace. Il a traversé tout l'univers, stopper net des conquêtes, prendre soin de la planète, réveiller les consciences avant que le paradis s'arrête. Je respecte la nature car c'est notre mère à tous, mais l'homme la perd chaque jour dans la folie de sa course. Ne me parle pas ce qui est bio, parle-moi de ce qui est chimique. Ils te vendent du poison pour ramasser plus de fric. Ils construisent des barrages, provoquent des inondations. Plus de sval, plus de bitume et encore plus de fondations. T'étonne pas si ton milieu ressemble à une forêt de béton. Ils tuent l'environnement mais vont jamais en prison. Crois-moi, on va rien lâcher comme à Notre-Dame-des-Landes. Escroquerie comme 21, demande à François Hollande. Il y a les responsables, c'est vrai, mais on est tous complices. On jette gaspille, détruit, pris dans le tourbillon du vice. Chaque jour qui passe, on perd la qualité de l'air. Ce n'est pas dans tes ampoules que tu trouveras la lumière. Pesticides, Monsanto et centrales nucléaires. Je préfère de loin la foudre et son éclair. À chaque veille du soleil, moi je me rapproche de la terre, mon flot vient de l'espace. Il a traversé tout l'univers, stopper net des conquêtes, prendre soin de la planète, réveiller les consciences avant que le paradis s'arrête. À chaque veille du soleil, moi je me rapproche de la terre, mon flot vient de l'espace. Il a traversé tout l'univers, stopper net des conquêtes, prendre soin de la planète, réveiller les consciences avant que le paradis s'arrête. Je fais partie d'un tous les éléments, je m'approprie le feu, la terre, l'eau, voilà où je puise mes énergies. C'est dans les racines de l'arbre que je viens puiser ma force. Dans sa sève, dans ses feuilles, dans ses branches et son écorce. Le flot des ruisseaux s'écoule pour rafraîchir ton corps. Nous ne formons plus qu'un avec la faune et la flore. Mais toi tu vis dans la zone, tu te fous de la couche d'ozone. Trop éloigné des hommes et des guerrières amazones. Tu te plains de la pollution mais tu utilises l'aérosol. Tu n'es plus connecté malgré tes milliers de paraboles. Tu sais faire des affaires mais tu connais pas la terre, car personne ne t'a dit que t'étais complice du meurtre de ta mère. Pendant que les roublards font des milliards de dollars, retrouve l'harmonie dans la pluie et le brouillard. La terre est une arène dont nous sommes les matadors. La nature un taureau et on pratique sa mise à mort. À chaque veille du soleil, moi je me rapproche de la terre, mon flot vient de l'espace. Il a traversé tout l'univers, stopper net des conquêtes, prendre soin de la planète, réveiller les consciences avant que le paradis s'arrête. À chaque veille du soleil, moi je me rapproche de la terre, mon flot vient de l'espace. Il a traversé tout l'univers, stopper net des conquêtes, prendre soin de la planète, réveiller les consciences avant que le paradis s'arrête. À chaque veille du soleil, moi je me rapproche de la terre, mon flot vient de l'espace. Traverser tout l'univers, stopper net des conquêtes.